Les sourires ont laissé place à des grimaces. Les fleurs à des arbustes et les bustes à des carcasses. Murs blancs souillés de traces, des lignes de coke t'en couvrent plus que des cartables et des livres d'école. On échange les coups comme les figurines. On vit une triste époque, elle est défigurée sous le choc. Le gris a remplacé le bleu, la violence a remplacé le jeu. Les yeux remplis de feu, on respire plus, c'est devenu un chaudron. Plus d'air que du goudron pour les poumons. En passant, accroche-toi, c'est un terrain glissant. La haine a tué la paix, je l'ai vu pisser le sang. Triste temps, il pleure sur nos villes et sur les tombes de nos proches disparus. Tiens un couteau comme tu tiens ta vie. Maintenant grève jeune, les morts naturelles n'existent plus. Les temps ont changé, l'époque est révolue. Tout s'est empiré et plus rien n'évolue. Les cerveaux ont fondu, les âmes se sont vendues. Dur de s'en tirer, tout est devenu tendu. Les temps ont changé, l'époque est révolue. Tout s'est empiré et plus rien n'évolue. Les cerveaux ont fondu, les âmes se sont vendues. Dur de s'en tirer, tout est devenu tendu. Voir ce qui se passe autour de nous. Croire qu'il y a moins de bonnes personnes que de fous. Autant d'honnêtes que de flous. Autant de proies que de loups. Les valeurs et le respect ont été remplacés par les sous. L'issue ici, on essaye tous de s'y hisser. Mais elle est remplie de merde, des factures et des suiciers. On fume pour oublier, mais on a tellement de mauvais souvenirs qu'au fond, on n'oublie jamais de fumer. Les ouvriers se suicident, les jeunes se tuent, les mères n'en peuvent plus. Et les pères sont rigides et ils te servent un petit cul pour te vendre un paquet de biscuits. Une grosse paire de ça pour oublier tes soucis. Ici c'est peut-être comme chez toi, et si ça l'est pas, viens je t'invite à connaître le désarroi. Quand je dis ici c'est pas un endroit reçu, je parle de nos sociétés, là plus rien ne va plus. Les temps ont changé, l'époque est révolue. Tout s'est empiré et plus rien n'évolue. Les cerveaux ont fondu, les âmes se sont vendues. Dur de s'en tirer, tout est devenu tendu. Les temps ont changé, l'époque est révolue. Tout s'est empiré et plus rien n'évolue. Les cerveaux ont fondu, les âmes se sont vendues. Dur de s'en tirer, tout est devenu tendu. Les temps ont changé, l'époque est révolue. Tout s'est empiré et plus rien n'évolue. Les cerveaux ont fondu, les cœurs se sont vendus. Dur de s'en tirer, tout est devenu tendu. Il faut agir, ce problème c'est terminé. Tendu, il faut agir, ce problème s'éternise.